lendemain de concert, crevant l'autoroute, c'est long, mes paupières sont lourdes, l'autoroute, c'est chiant, même l'estomac rempli de café, la musique à fond, mais putain qu'est-ce que je me fais chier, il me vendrait un truc pour me ravigoter, armée de mes champions pour me remettre sur pied, une pique de lui tire, une tire du dans le Qatar, qu'est-ce que j'ai à l'heure, le froid qui sort du sauvanard, la tête du railleur, au rythme des ralentisseurs, je ne pense plus à rien, je ne lâche en plein bonheur. Empare-toi de mon levier de vitesse, pendant que je m'agrippe à tes fesses. Ce serait dommage, non, ce serait trop bête, que tu me la coinces dans la braguette. Y'a pas à chier, c'est vraiment le pied. Les deux mains sur le roulant, l'air super dégagé. Tu m'en fais même pas, c'est la migraine. S'il te plaît, ne parle pas la bouche pleine. Une pique de lui tire, une tire du dans le Qatar. Qu'est-ce que j'ai fait malheur, le froc des sardines sur le bannard. La tête des railleurs, au rythme des ralentisseurs. Je ne pense plus à rien, je nage en plein bonheur. Ça bouchonne, tout le monde rentre en famille. Les enfants nous matent et s'étonnent. Nous pointent du doigt et moi je leur souris. Arrive un poids lourd qui nous met un coup de klaxon. Surprise, t'as tout d'abord envahi. Tu m'as planté des crocs, telle une lionne. Juste au moment où j'ai joué. Je ne pense plus à rien, je ne lâche en plein bonheur.